Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où on discute des films que l'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 48 enregistré le 17 mars 2019. Je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, mais je ne suis pas seul puisque j'ai un de mes fidèles comparses à mes côtés, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Ben nickel. Premier podcast de l'année du coup. Oui oui, puisque tu n'étais pas là le mois dernier. Non. Enfin, c'est compliqué. Enfin, le mois de janvier. Voilà, c'est janvier, ça. Oui. Pour le podcast de mois de janvier, puisqu'il y avait Adrien et Morgane. Et donc voilà. Donc non, c'est cool. On va parler de films d'animation, donc c'est bien que tu sois là. Bah oui, c'est aussi bien, oui. Ouais, voilà. Morgane devait être là, mais voilà, problème, planning, machin, etc. Bah oui. Tant pis. Donc c'est un podcast assez court puisque moi, j'ai pas, à part le film du mois, j'ai pas vu d'autres films. Mais par contre, j'aurais la Minute Nerd pour moi. Voilà. Je vais me faire toute la sélection tout seul. Quoi. Voilà, mais j'essaierai d'intervenir de temps en temps parce que j'aurai sûrement des questions sur les films. Voilà. Au niveau du sommaire, on a la Select justement où Eddy va nous parler du coup de Ralph 2.0, Girl et Un peuple et son roi. Et les deux derniers, donc c'est des rattrapages qu'il a fait durant le mois de février. Le film du mois, du coup, sans grande surprise, c'est Dragon 3. On l'attendait énormément. Oui. Tous. Et il est enfin sorti. C'est la conclusion de la trilogie. Là, c'est la fin. Et voilà. Et du coup, on est tous un peu tristes, mais en même temps heureux d'avoir eu ce film, je pense. Donc, on a tous sorti les mouchoirs, hein, de toute façon. Ouais, non, ça, à la fin, là, c'était, c'était compliqué. C'était assez déchirant. C'était compliqué, mais bon. On vous parlera de tout ça dans un petit moment. Et puis, comme je l'ai dit au début de l'émission, la Minute Nerd, ce sera à moi. Et j'ai trouvé quelque chose il y a à peu près 30 minutes et je suis plutôt content de ce que j'ai trouvé parce que je voulais en parler depuis longtemps et j'ai enfin l'opportunité d'en parler. Donc voilà. Voilà, on a fait tout le sommaire et du coup, je propose qu'on commence directement avec la Select. C'est parti. On est donc à la première rubrique de ce podcast, la Select, et Eddy va nous parler de Un peuple et son roi, premier rattrapage qu'il a fait. Donc oui, Un peuple et son roi, c'est un film français qui a été réalisé par Pierre Scholler. Alors Pierre Scholler, c'est un... Alors, je ne sais pas si on dit Scholler ou si on dit Scheller, j'en sais rien. Ah. C'est CH... Pourquoi alors, ce serait un Alsacien S-C-H-O-E. Ah, on ne sait plus. Ouais, je pense que c'est Scholler. Ouais, ça doit être Scholler, ouais. Ouais, ouais, je pense. Et ouais. Du coup, c'est un film qui s'intéresse à la Révolution française. Mm-hmm. Donc, un sujet qui est bien trop rare, finalement, je trouve, quand même, au oui, cinéma. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ces derniers temps, surtout. Oui, oui, oui, il y en a eu quelques-uns. Les Visiteurs 3. Oui. Alors, bon, pour citer le plus connu. Et encore, Les Visiteurs 3, c'était la terreur. C'était même oui, un c'était, peu ouais, après. C'était pas, ouais, c'était après la Révolution. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, oui, voilà, ça reste quand même assez rare. Surtout que c'est un réalisateur qui est réputé pour être assez doué dans tout ce qui est discours politique, en fait, dans ses films. Mm-hmm. Alors moi j'avais pas vu, mais apparemment il avait réalisé L'Exercice de l'État, qui était vraiment très très bien et qui du coup s'intéressait à un ministre. Donc c'est, ben apparemment c'était assez réussi également. Ok. Alors pour le coup, moi j'ai été un peu déçu par Un peuple et son roi, pour pas dire très déçu et énervé même. D'accord. Parce que je Le problème du film, c'est que c'est de l'histoire et de la caricature, principalement. Mmh. Et c'est un peu navrant, parce qu'au final, c'est toujours le même... quand on parle de la Révolution, on parle tout le temps de la même chose, en fait. Et on n'aborde jamais la Révolution sous d'autres aspects que le pauvre peuple et le méchant roi. Mmh. Alors que c'est bien plus complexe que ça. Oui. Ouais. Que en gros tout on excuse finalement Ouais, tout ce toutes qui a les pu atrocités qu'ils ont, que le oui peuple sous a pu faire, ouais, prétexte voilà. que bah oui ils se sont battus pour leur liberté. Alors je suis parfaitement d'accord avec ça, hein, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que bon, on parle quand même d'un peuple qui a tué son dirigeant. C'est quand même pas C'est pas banal, quoi. ordinaire, ouais, voilà, c'est ça. Dire Macron, il y en a beaucoup qui espèrent qu'il lui arrive la même chose en ce Oh, moment. Mais ce serait inadmissible, bah humainement oui, parlant. clairement. Donc du coup, c'est vrai je trouve qu'on relègue un peu la révolution comme une période finalement qui est lointaine et où il s'est passé des choses graves et sanglantes. Et bon, c'est peut-être pas si grave que ça, mais par contre, on est bien content de l'héritage quand même. Et moi, ça me désole un peu parce que finalement, la révolution, c'est pas si loin que ça de nous. Oui, ouais, c'est vrai. C'est Ouais. à peine 3 siècles. 3 siècles, c'est rien dans l'histoire de l'humanité, surtout. Oui, ouais. Du coup, le film, en fait, le film clairement reprend tout ce que l'on peut voir dans un livre d'histoire au collège, à savoir que voilà, c'est le peuple qui se soulève contre son roi parce qu'il en a marre, et le roi n'a d'autre choix que de subir. C'est toujours un peu ce Louis XVI effacé derrière tout ça et qui va pas vraiment qui aura pas vraiment de marge de manœuvre finalement pour agir. Et de toute façon, même s'il agit, son destin est déjà scellé puisque le peuple n'en veut plus. donc Oui. euh, euh, donc ça porte évidemment les révolutionnaires et les premiers citoyens en héros. Alors c'est vrai d'un côté, et d'un autre côté, ça élude évidemment complètement tout cet aspect beaucoup plus sanglant de la Révolution qui s'est aussi faite dans le sang. Alors pas seulement au niveau de la monarchie, mais bien envers le propre peuple français. Parce que moi j'habite dans une région où on a été très marqué par ça, pour le coup. Ouais, Moi c'est j'habite dans clair. l'ouest de la France, donc la Vendée. Alors la Vendée, actuellement c'est un département maintenant. À l'époque, c'était beaucoup plus vaste que ça, parce que ça reprenait la Bretagne, la Charente et un début de l'Aquitaine. Donc c'était, quand on dit l'ouest de la France, c'était vraiment l'ouest de la Oui, France. ouais. Et ben on a massacré ces gens-là, puisque eux, ils étaient pour la liberté, comme les révolutionnaires, sauf que la liberté des révolutionnaires prévoyait quand même beaucoup de contraintes, notamment au niveau de la liberté de culte. Et il faut savoir que dans les campagnes, le culte était important dans la mesure où c'était les curés et le clergé finalement qui administraient tout ce qui était. Alors la parole religieuse, ça d'accord, mais qui administrait tout ce qui était plus, bah, par exemple, tout ce qui était plus administratif, c'était le Ouais, clergé, c'était un peu puisque les maires, c'était. Bah oui, c'est les ça, c'était ouais. eux les instruits. Donc le peuple se tournait vers le clergé quand il y avait besoin. Et dans des temps aussi durs, croire à quelque chose et croire en Dieu, en l'occurrence, c'est ce qui permettait aussi au peuple de tenir face à la famine, face à plein de choses. Donc on peut comprendre qu'un peuple à qui on a interdit comme ça du jour au lendemain de prier à sa guise, se soit levé. Et du coup, le film n'aborde pas ça, bien évidemment, parce que ça fait Oui, tache. c'est Et clair. encore une fois, fait comme tous les autres livres d'histoire, n'aborde pas ça puisque c'est dérangeant en fait. Voilà. Donc moi, j'espérais qu'on ait un film qui parlerait un peu de ça, Ouais, qui parle de tout. pas forcément en s'intéressant qu'à ça, mais qui l'évoque, qui évoque que voilà, il y a quand même Qu'on ait une vue des, d'ensemble en fait et pas ouais, une voilà, c'est vue ça. sous la loupe justement de comme sur dans un livre d'histoire quoi. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup. La révolution s'est faite dans tout le pays, mais au-delà de la Vendée, hein, même. Hein, sans, mais jamais on va aller au-delà que Paris, finalement. Oui, bah oui. Donc voilà, c'est un film un petit peu paresseux, qui prend pas vraiment de risques. Et à Pourtant, côté de niveau ça, casting, on a quand même. Enfin. alors le casting est très bon. Moi, j'ai trouvé le Laurent Lafitte assez juste en Louis XVI. J'y croyais J'y croyais, mais j'avais quand même quelques réserves, puisque Laurent Lafitte, bah, on a quand même plus vu dans des comédies ou dans des. Ou... Ouais. Enfin, moi, mon premier souvenir de Laurent Lafitte, c'est Les Petits Mouchoirs, où dedans, il est insupportable, il est accro à sa copine qui veut le lâcher et tout. Enfin, Ouais. donc, rien à voir avec Louis XVI. Bon, après, il a fait autre chose hein, depuis, Oui, mais. maintenant enfin, il fait un peu de tout, quoi. Ouais, il se diversifie, mais Voilà, c'est c'est vrai ça. que. Bah, porter un personnage comme Louis XVI, c'est quand même pas banal, je pense, dans une carrière d'acteur. Et pour le coup, je trouve qu'il s'en sort bien. Après, voilà, on a Gaspard Ulliel qui fait, lui, Robespierre. Donc, une autre figure. C'est Louis Garrel, Robespierre. Ah oui, pardon, oui, Gaspard. Ah oui, non, oui, Louis Garrel fait Ouais. Robespierre. Gaspard Ulliel joue Ba Basile. Basile, Basile, ouais. c'est un homme du peuple. Alors, c'est un peu une figure christique dans le film. J'ai pas trop compris l'intérêt du personnage. D'accord, Et d'ailleurs, ouais. il est pas spécialement bon pour le coup, Gaspard Ulliel. Par contre, Louis Garrel est très bien en Robespierre, beaucoup plus dans la D'accord. retenue. Il manque peut-être justement un peu de cette image qu'on a finalement de Robespierre, qui était qu'on dépeint comme quelqu'un d'assez sanguinaire. Et malgré tout, ça restait un aristocrate, donc on se doute bien qu'il était. Il avait quand même un savoir-être. Oui. Après, qui est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a Olivier Gourmet, qui est très bien aussi. Adèle Haenel, qui surjoue un peu. Xia Higelin, pareil. Mais bon, voilà. Le casting, c'est pas le. Ça va. Tout le monde s'en sort plutôt bien. Ce qui pose problème, c'est dans la représentation, finalement, pas de l'époque, parce que c'est assez bien fait. On parle de Marie-Antoinette ou pas du tout? Oui, on la voit, mais elle est plus C'est... évoquée, Ouais, voilà. elle est plus évoquée qu'autre chose. Après, ce qui est intéressant, alors on a Céline Salette, par contre, oui, dans le casting quand même. Alors moi, j'adore Céline Salette. D'ailleurs, Je vous souhaite d'être follement aimé avait été dans l'un de mes tops il y a quelques années. Je crois que c'était en 2016. D'accord. Non, il était deuxième ou Ouais, il troisième. me semble, ouais. Et elle m'avait vraiment bluffé. Et elle était géniale aussi dans la série Les Revenants sur Canal. Et ici, par contre, elle est vraiment insupportable. Et je pensais pas dire ça un jour, mais c'est vrai que pour le coup, elle m'a vraiment énervé. Et c'est dommage parce que pourtant, elle joue le personnage féminin fort du film. Renaud enfin moi qui, enfin j'ai des connaissances très basiques de la Alors, oui, Révolution, bah, je ne elle est pas connaissais pas. forcément très connue, mais dans le Voilà, c'est film, elle ça. a son importance puisque c'est elle qui mène, qui au début du film mène aussi les femmes jusqu'à Versailles. D'accord. Pour réclamer des droits. Donc c'est ça par contre pour le coup c'est bien de le montrer dans un film là-dessus. Par contre voilà le problème du film c'est pas dans sa représentation de l'époque puisque c'est assez réaliste. Alors c'est plutôt dans la mise en scène. La mise en scène n'est pas spécialement réussie. Les décors sont très beaux, la lumière aussi, mais la mise en scène pêche un peu. Et puis c'est surtout que constamment dans la mise en scène on a des ellipses dans le temps. Qui sont pas Ah. forcément signalés tout le temps et D'accord. ça casse un peu la narration. Ouais, d'accord. Voilà. Au niveau du montage, il y a des problèmes, quoi. Ouais, c'est ça. Le montage est un peu foireux et bah, du coup le film se retrouve avec un rythme complètement décousu qui facilite pas déjà parce que ça reste quand même un sujet assez pompeux. Oui, ouais, c'est Donc clair. voilà. Mais ouais, enfin, c'est dommage, du coup, si les décors et tout ça, c'est bien fait, mais que tu as une Ouais. réalisation et un montage Les qui... décors, les costumes, Ouais. les discours, tout a un sens. Les dialogues sont bien écrits, les personnages sont bien écrits aussi. Mais c'est vrai que c'est plus à côté que ça. Sur la partie technique, Que ça hormis les pêche décors plus, et la lumière, les costumes qui sont beaux, c'est vrai que tout ce qui sert à narrer le film, que ce soit par l'image ou par le rythme, tout ça. Ça fonctionne pas. Ouais, Et puis à d'accord. côté de ça, en plus, le film ne sort pas des sentiers battus, puisque finalement, il nous remonte ce qu'on connaît déjà de cette période. Donc c'est vrai que le bilan, au final, n'est pas très. Et il dure 2 heures. Et il dure 2 heures, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc après, bon, si vous voulez vous faire un avis, vous pouvez. Mais moi, j'ai pas trouvé ça très réussi quand même. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Ben du coup voilà. Et ben tu vas passer au deuxième rattrapage. Du coup, on va changer d'ambiance complètement Oui. avec Girl. Oui, alors, Girl, c'est un film que je voulais vraiment voir en 2018. Ouais. qui n'a pas été diffusé du tout chez moi, quasiment pas. Oui, moi non plus. Et quand il était diffusé, je travaillais la nuit, du coup. Donc, Ah, ouais. je pouvais pas, en fait, ça collait pas avec mes horaires de boulot. Et donc, du coup, je n'ai pas pu le voir avant qu'il ne sorte en DVD. Donc là, il est sorti, fin février, début Ouais, mars, c'est ça. Ouais. dans Mais il est ces eaux-là, je sorti sais plus. le 10 octobre, sortie nationale et en France. Donc Oui. voilà, il est sorti sûrement en février, quelque chose comme ça. Donc c'est un film belge pour le coup, belge qui est pour le coup trilingue puisqu'il y a le français, il y a le flamand et il y a l'anglais. Donc à voir en VOST évidemment. Hein. De Oui, toute façon, il n'est pas visible autrement, je ben, crois. je pense pas, non. Un peu Quand comme ça change de langue comme ça, c'est compliqué. Ouais. ouais. Donc c'est un peu comme Mommy. Oui, ouais, voilà. Et bah, Mommy qui était en joual et là c'est la même chose en fait. C'est sous-titré quand il faut que ça soit sous-titré. Oui, Et voilà. donc, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille qui est en transition, donc de genre, hein, bien sûr, Ouais. qui change de sexe. Et bah, c'est principalement ça. Déjà, c'est déjà tout un sujet. Ouais. Et qui rêve également d'être danseuse étoile. Donc c'est pas rien, donc ça veut dire ça inclut le fait d'être danseuse étoile avec un corps de garçon quand même au départ, avant la transition, voilà, parce que là le film commence où Lara prend des hormones en vue d'une future opération de chirurgie. Et du coup, pour elle, tout va pas. Enfin, ça va pas assez vite. Le film met vraiment l'accent là-dessus, sur la. Le film parle assez bien finalement de la personne qui est définie par un genre physiquement, mais qui n'est pas en accord avec son genre psychique, quoi. Oui, voilà, qui est né dans un corps qui ne lui correspond pas. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, c'est un personnage qui est impatient parce qu'il n'en peut plus. Elle n'en peut plus de même de. C'est oui, c'est elle. Elle n'en peut plus de son corps et c'est le film retranscrit assez bien ça. Et ce qui est assez malin finalement dans le film aussi, c'est que ça nous parle de la souffrance de vivre dans un corps que l'on n'accepte pas. Et le film met ça en lien avec la danse, parce que pour le coup, n'ayant pas été une fille à la naissance, Lara doit apprendre la danse classique à l'adolescence, sauf que les jeunes filles, les petites filles qui commencent la danse classique font des pointes très jeunes. Leur corps s'habitue, en fait. Et elle, c'est pas son cas, donc il y a une vraie souffrance physique finalement à vouloir atteindre son rêve également d'être danseuse. Et c'est assez malin dans la mise en scène et dans l'écriture de faire un espèce de jeu de miroir comme ça entre les deux. Et ça donne lieu évidemment à beaucoup de belles scènes, c'est assez onirique tout le temps. Après, le film est parfois assez maladroit. Parce que c'est vrai que pour le coup, non, c'est pas, on n'aura pas affaire à un personnage qui vivra bien sa transition, et c'est ce qui a été reproché au film, entre autres. Et pour le coup, ça c'est une reproche que je peux comprendre, puisque bah, c'est vrai que vouloir aborder ces sujets-là, parfois c'est bien de le faire autrement qu'en montrant ces personnes-là dans la souffrance. Oui, c'est vrai. Parce que bah, aux yeux des gens qui n'y connaissent rien. Ça peut aussi permettre de donner une image différente et à ceux qui seraient les moins ouverts d'esprit et pas à montrer ça comme une déviance ou une maladie, quoi. Parce que malheureusement, c'est ce qui ressort beaucoup dans l'esprit de certains qui comprennent rien à rien. Désolé s'il y en a qui nous écoutent, mais tout ça commence à m'insupporter beaucoup. Et du coup, c'est vrai que le film aurait pu être malin, aurait pu être encore plus malin si Lara avait été à l'aise avec sa transition. Et ça aurait permis, par exemple, de permettre à ceux qui n'y connaissent rien de faire la différence entre une personne transgenre et une drag queen, par exemple. C'est pas du tout la même chose. Et pourtant, il y a un amalgame énorme qui se fait tout le temps là-dessus. C'est pas du, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que le film ne va pas là-dedans. On sent que ce qui préoccupe quand même plus Lucas Dont, le réalisateur, c'est de montrer que c'est tout un cheminement qui est pas évident et qui pour le coup se fait dans la souffrance. Mais c'est après, ça montre aussi d'un autre côté que c'est aussi ce personnage-là qui se l'inflige. C'est ce qui contrebalance un peu tout ça, c'est que finalement, le personnage de Lara représente un personnage en transition auquel on peut s'identifier si on est ou pas d'ailleurs face à ça dans sa vie. Mais ce qui est quand même assez malin, puisque ça contrebalance le côté souffrance et tout ça, c'est que c'est l'expérience individuelle de ce personnage-là. Ça veut pas forcément dire que ça reflète toutes les personnes en transition. Et je pense qu'il faut faire la nuance Oui, là-dessus. c'est une histoire C'est une histoire qui lui... Oui, c'est la sienne, ça lui d'un est propre. personnage, voilà, Oui, c'est ça. c'est son histoire et c'est bon, c'est clair que ouais, je vois pourquoi ça peut être reproché qu'on montre vraiment que la souffrance, etc. Mais en même temps, ça fait aussi partie de, enfin, il y a certaines personnes qui le vivent comme ça, il y a certaines personnes qui le vivent très bien, enfin voilà, il y a mille façons d'appréhender la chose, quoi, donc Et voilà d'ailleurs, quoi. c'est appuyé par le fait que c'est vraiment son histoire à elle, puisque à côté de ça, le choix est fait dès le début du film de nous montrer que au final, sa transition ne pose aucun problème à son entourage. Son père la soutient totalement, son petit frère aussi, malgré enfin son petit frère il est dans le film, il a quoi? Il a 7-8 ans, il est pas vieux du tout, donc c'est pas forcément quelque chose de facile à assimiler. Ouais, c'est sûr. Pour un petit garçon, et c'est vrai que dans le film, c'est assez bien montré. Pour lui, non, il a eu un frère, mais maintenant il a une sœur. Et c'est tout à fait normal. On parle pas de la mère dans le film, elle vit avec son père et son petit frère, mais c'est pas la mère est pas forcément évoquée, Elle est effacée, ouais. peut-être pour qu'on se concentre plus finalement sur elle, même si je pense que enfin, l'irruption de la mère dans l'histoire n'aurait pas gêné, puisque Oui. le personnage est suffisamment fort pour porter le film. Après, voilà, évidemment, même dans son école, on la pointe pas trop du doigt. Alors, il y a quelques scènes quand même arrivées à un certain moment dans le film où on vient aborder ce sujet-là par rapport au regard des autres et aux autres élèves de l'école où elle est, puisque elle est en transition, mais du coup, elle se change et elle prend sa douche dans le vestiaire des filles, par exemple. Ouais, d'accord. Alors que, elle n'a pas encore subi son opération Oui, de ouais. chirurgie esthétique, elle a toujours des attributs masculins. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui montre finalement que oui, c'est quand même c'est son ressenti à elle. C'est très personnel. Et après, le reproche qui est fait également au film, et pour le coup, je ne suis pas d'accord. C'est qu'on ait pris Victor Polster, qui est un acteur cisgenre, comme il faut le dire maintenant. On en perd un peu son latin avec toutes ces appellations. Moi, j'ai été obligé d'aller lire un article parce que j'y comprenais plus rien. Les personnes cisgenres, les non-genrées, les machins, bon, c'est un peu compliqué quand même, hein. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est vrai qu'il Non, faut non, mais mettre le nez c'est... dedans, parce que sinon tu t'es perdu, hein. Ouais, c'est clair. Et oui, donc il a été reproché à finalement à ce que ça soit un garçon qui soit pas enfin qui soit assimilé au genre masculin de jouer le rôle Ouais. d'une personne transgenre. Oui. Et en fait moi c'est un argument que je ne comprends pas puisque déjà d'une c'est pas parce qu'il est homme qu'il est pas moins capable à jouer une personne transgenre. Et c'est pas, enfin, on a déjà, enfin, je veux dire, par le passé, on a par exemple eu des acteurs qui ont joué des drag queens dans des films, c'est pas pour autant que c'était pas crédible. Oui. Donc, bon. Oui, non, mais ça, enfin, oui, c'est un peu la nouvelle mode, De comme. oui, chercher la polémique là où il n'y en a pas vraiment besoin. Oh, voilà, c'est ça, c'est ça. Et on dit pas que c'est pas important, et on dit pas qu'il faut pas avoir des rôles au cinéma pour les acteurs trans, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est par exemple quand. Je prends un exemple complètement différent. Quand on reproche à Bryan Cranston de pas être handicapé pour jouer son rôle dans le remake d'Intouchables. Oui. Enfin voilà, c'est des choses comme ça, ou François alors. Cluzel n'était pas non plus, et pourtant ça l'empêchait pas d'être hyper convaincant dans le rôle, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc pour Donc. moi, un acteur peut devenir n'importe quoi s'il C'est est ce bon qui, c'est acteur. justement un acteur. Voilà, Un voilà. acteur doit pouvoir se fondre dans un rôle. Voilà, c'est ça. Donc. Et ne pas être limité par ses, enfin, par son physique, quoi. C'est tout ce qu'on, enfin, c'est tout ce que tout le monde veut. Donc voilà, je ne comprends pas non plus cet argument, mais c'est pas très Et grave, écoute. oui, et pour le coup, moi j'aurais même envie de dire que finalement, c'est dommage de bâcher un film par rapport à ça, puisque ce qui ferait vraiment avancer les mentalités, ce serait peut-être que finalement, ça soit une personne transgenre qui joue le rôle d'une personne qui n'est pas transgenre. Oui, voilà, ouais, tout simplement. Ça, pour le coup, Ouais. sans que ça soit le sujet du film, Oui, hein. voilà, non, mais Mais que sans. ça se fasse tellement naturellement, bah tiens, oui, c'est la personne qui correspond le mieux pour jouer ce personnage-là. Ah, bah elle est transgenre, bah oui, mais bon, elle correspond, donc on la prend, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait, avec Victor Polster, c'est qu'ils ont auditionné plus de 500 personnes, je crois, pour le rôle de Lara. C'est assez énorme, quand même, en termes de casting. Et il s'est révélé que bah, c'était lui qui correspondait parce qu'il savait danser aussi. Donc, Oui, c'est un danseur bah oui. aussi, donc Et dans le film, la danse est quand même très très importante. C'est l'un des moyens de narration du film. Donc tu voilà. peux pas éluder aussi les qualités de danse que doit avoir ton acteur au final Voilà, c'est ça. Et pour puis un rôle comme ça. c'est le meilleur acteur qui a le rôle, hein, tout simplement. Oui, Donc oui. voilà, Et c'est. puis après au-delà de ça, Victor Polster a un physique qui s'y prête aussi parce qu'il a les traits assez fins. Donc il arrive à donner l'illusion. Quand tu le vois dans le film, tu vois. Si tu sais pas que c'est un gars, tu peux éventuellement penser même que c'est une personne transgenre quand tu Oui, t'es pas bah oui. renseigné, pour le coup. Tu peux Ouais. vraiment imaginer que c'est quelqu'un qui a pris les hormones et qui est lui-même en transition, en fait. Donc, je trouve que c'est dommage de s'arrêter à ça, en fait. Oui, voilà, Parce que le film est plus important que ça, au c'est final. ça, clairement, clairement. Et du coup, donc voilà, ça c'est les deux reproches qui sont faits. Alors moi, je peux comprendre le côté souffrance extrême qui est montré dans le film. C'est vrai qu'on aurait aimé que ça soit un petit peu plus léger parfois. La narration y aurait gagné un peu, je pense. D'accord. Mais voilà, le genre de l'acteur, pour le coup, je trouve que Oui, ça non, change rien, quoi. c'est un non-sujet. Après, voilà, le film n'est pas exempt de défauts. Ça reste un premier film. Alors ça excuse rien, c'est Ouais. vrai. Mais ça reste un premier film. Et pour le coup, enfin, il y a toujours cette notion de, il veut en faire un petit peu trop. Il veut être sûr qu'on comprenne bien ce qu'il veut qu'on dise, Lucas Blanc, le réalisateur, qui doit avoir à peine 30 ans, il est dans les âges à Xavier Dolan. Donc lui, pour le coup, c'est son premier film. Donc il est moins précoce que Xavier Dolan. Mais Oui, bon, bah oui, non, s'il nous mais. fait des films de la trempe de Girl, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense qu'il ira loin, il sera D'accord. intéressant. Mais c'est vrai que oui, voilà, il y a cette volonté un petit peu d'en faire beaucoup pour être bien compris. Le film manque un peu de subtilité parfois. Ouais, mais c'est souvent les premiers films, c'est compliqué, hein. Bah, J'ai tué ma mère était C'est. assez Oui, voilà. excessif Ouais, également. Ce qui également, n'empêche oui. pas d'être beau. Mais Ouais. oui, c'est vrai que c'était assez excessif aussi dans la manière de faire. Mais bon. C'est pour ça que même si ça excuse rien, c'est vrai que j'arrive à passer un peu Oui, on au-dessus, passe quoi. outre un peu Voilà, souvent. tu le prends en compte quand même, quoi. C'est ça. Et ensuite, quoi dire de plus? Alors voilà, c'est vrai qu'il en fait un peu trop, mais au final, le message passe. Même si clairement, je pense que l'une des scènes finales est de trop. Il n'y avait D'accord. pas forcément besoin d'avoir cette scène-là pour qu'on comprenne tout ce que vit le personnage. Ok. Voilà. D'accord. J'en dirai pas Ouais, non, bah plus, oui, il n'y a pas de mais souci. je pense que voilà, c'était pas spécialement utile. Après, ça enlève rien au reste du film qui est vraiment très beau. La mise en scène, pour le coup, est magnifique. Enfin, il y Ok. a un vrai travail les scènes de danse et les... J'ai l'impression la lumière sur les scènes de danse. Ah oui, oui, aussi, mais c'est vraiment très très beau. Hein. Franchement... Juste à regarder la bande-annonce, c'était magnifique. Hein. Ah oui, la photographie est excellente. Ouais. Les scènes de danse sont vraiment... sont vraiment belles. Et puis, ce qui est beau dans tout ça, c'est que Lara souffre, mais... les personnages, enfin, Lara comme les autres sont tous tellement crédibles, ce qui fait que son père ou sa prof de danse ou son, sont tous dans une extrême bienveillance tout le temps, et il y a, il y a une vraie ambiance chaleureuse qui se dégage de ça, et ça rajoute encore plus au drame puisque on sent que, enfin, nous on arrive à capter le fait que bah oui, enfin, ils sont là pour elle quoi, ils la soutiennent, et elle, elle n'arrive pas à, à prendre ça. Et du coup, ça renforce encore plus le côté tragique. Donc, il y a, un vrai travail aussi sur l'ambiance et sur ce que le film dégage. Ouais. Donc voilà, moi, c'est un film que je conseille. C'est pas forcément à mettre entre toutes les mains parce que c'est assez rude. Ouais, j'imagine. Psychologiquement en parlant. C'est pas Black Swan. Hein. Ouais. C'est pas. Mais il y a une histoire de quête aussi comme ça un peu. Mais c'est un film important déjà, je pense quand même. Mmh. Et c'est un film qui manque pas de, de singularité et d'intérêt quoi. Donc okay. Je le conseille. C'est un bon rattrapage. Il aurait sûrement été dans mon top. Ok. Dans mon top malgré quelques petites réserves que je peux avoir, mais. Qui enlève rien vraiment au reste du film quoi. Très bien, très bien. Ok. Bah, du coup, on va passer encore à autre chose complètement. Là. Alors pour le coup, voilà. C'est différent. Ouais. Ouais, ce sera un peu plus joyeux. Un peu plus joyeux. Voilà, ouais. C'est ça. Donc Ralph 2.0, film sorti en février du coup, et on l'attendait aussi beaucoup. Oui. Moi, je n'ai malheureusement pas eu la chance d'aller le voir. Tu peux quand même aller le voir après. J'irai le voir prochainement, je pense. Et voilà, donc. Oui, bah, parce qu'il passe encore de toute façon. Oui, oui, de toute façon, les Disney, c'est bon. Jusqu'en avril, il passera celui-là. Donc, oui, je pense. Ouais. Voilà. donc voilà, dis-moi tout ce que t'en as pensé. D'ailleurs, t'as fait une critique sur oui, le site. Oui, oui, j'ai fait une critique sur le site. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, alors, à peu de choses près, c'est quand même très proche de Ralph, enfin, des mondes du de Ralph. Premier, hein. Ouais. C'est une suite qui reprend ce qui avait bien fonctionné dans le premier, qui va aussi plus loin sur pas mal d'aspects quand même. Après voilà je l'attendais parce que j'avais bien aimé le premier. Ouais. C'était très drôle, c'était coloré, c'était intéressant dans ce que ça racontait, dans la compréhension de l'autre. C'est des thématiques qui sont très fortes à Disney hein, de toute façon. Sur l'amitié, c'est déjà le premier était une belle histoire d'amitié aussi. Ouais. Sur le destin, sur ce que la société veut que l'on soit. Et un petit peu comme dans Zootopie, finalement, où on peut briser les barrières pour être qui on veut. Le premier reprenait tout ça. Ici, on est plus... on est moins dans ces thématiques-là, de l'acceptation de soi, puisque bah, c'est déjà fait. Du coup. Oui, bah oui, on n'avait pas non plus répété. On est plus dans le buddy movie, en fait, mais dans le buddy movie en ligne, à travers le Wi-Fi, quoi. Ouais, bah oui. Et c'est... forcément, ça donne lieu à plein de situations géniales. Pour le coup, Disney a vraiment réussi à rendre Internet, à lui donner une image matérielle et physique, quoi. Ouais. Et alors, évidemment, c'est un peu classique, hein, représenter Internet comme une ville en ébullition où on voyage d'immeuble en immeuble parce que l'internaute en question voyage de site en site. Enfin, voilà, c'est assez classique, mais ça fonctionne très bien. Ils ont vraiment réussi à rendre ça crédible et drôle. Et il y a beaucoup, en fait, la manière de faire est assez classique, mais finalement, c'est tout ce qui gravite autour qui fait toute la saveur, puisqu'il y a plein de petites trouvailles tout le temps. D'accord. Notamment, pour moi, la meilleure trouvaille, c'est les fenêtres pop-up, qui débarquent comme ça, sans arrêt, tout au long du film. D'accord. Qui débarquent, c'est un peu les vendeurs à la sauvette de Tour Eiffel quand tu vas au Trocadéro, en fait. Ouais, ouais. Voilà. D'accord, je vois. Donc, c'est assez drôle. et après il y a beaucoup de choses donc évidemment alors on retrouve beaucoup de marques On voit toutes les marques Amazon, quasiment. Google, Bah, IBM, oui, machin. Facebook, Pinterest. Alors, je sais pas ce qu'ils ont contre Pinterest Ah. dans le film. Pinterest s'en prend plein la Ah, gueule. d'accord, ils s'acharnent Ouais, mais dessus. bon, c'est assez drôle. Mais c'est Ouais. vrai que seul dans le film, je me suis dit, putain, ça fait deux fois que ça tombe, deux fois Ouais. qu'il se passe un truc comme ça quand ils sont chez Pinterest. Bon. D'accord. Du coup. Le vrai message du film, finalement, ce serait peut-être, pour le coup, ce serait vraiment plus l'amitié, encore plus que dans le premier film. Dans le premier film, c'était l'amitié qui permettait à chacun de se découvrir et à s'accepter. Et là, ce serait vraiment l'amitié, mais au sens beaucoup plus large, où, comment dire, l'amitié, mais qu'il faut savoir accepter telle qu'elle est, disons. D'accord. Voilà, qu'il n'y a pas une forme d'amitié précise, il y en a plusieurs, et le film parle aussi de ça. Donc après, c'est peut-être un peu moins ambitieux que le premier, mais ça n'empêche pas au film d'être réussi et d'être une bonne suite. Qui n'a plus été fait depuis Bernard et Bianca C'est ça, chez Disney. comme je l'ai mis hein, dans ma critique, Ouais, hein, les ouais, bonnes ouais. suites chez Disney, c'est comme le Dilophosaure Ah dans oui. Jurassic World, on en entend parler, mais on ne le voit jamais. Et J'ai pour le rigolé quand coup, j'ai vu ça. là, non, c'est une vraie bonne suite. Alors, on espère que La Reine des Neiges sera aussi réussie, La Reine des Neiges 2 sera aussi réussie que Ralph. Moi j'attends plus un Zootopie de Oui, moi ouais. aussi, la trilogie Zootopie qui est annoncée. Après, c'est vrai que La Reine des Neiges 2, ils ont réussi quand même à me piquer, moi, ma curiosité avec cette bande-annonce qui est surprenante. Bah, elle est pas banale, enfin, Oui, c'est vrai, c'est vrai. elle est assez intrigante, donc bon. Oui, bon, peut-être qu'ils arriveraient enfin à faire des bonnes suites. Bon, déjà, ils les Peut-être. sortent au cinéma, leurs suites, c'est déjà une C'est bonne qu'ils y nouvelle. croient. Voilà, c'est ça. Parce qu'avant, c'était du direct ou DVD. Puisque C'était même Bernard et pas. Bianca n'étaient pas sortis au cinéma. Bernard et. Le deuxième. Il me semble que Ah oui, il si. était sorti au ciné Ouais, celui-là? il me semble que si, si Ouais, je me bah oui, trompe mais en même pas. temps, vu les décors, ça c'est Ouais. plus ou moins. Ouais. Non, parce que visuellement, il est tellement magnifique que. Ouais, il est vraiment très très beau, ouais. Ouais. Et bah, du coup, Ralph, justement, sur grand écran, c'est chouette, hein, t'en prends plein les yeux. Ben, j'imagine, ouais. Il y a plein de C'est. couleurs partout, il y a plein de. Il y a plein. Là-bas, le. Monsieur Trouve-Tout, je sais tout, la barre de recherche. Ouais. C'est génial. Il C'est vraiment trop trop bien. C'est super y a drôle. des bonnes, enfin des bonnes idées. Ouais, mais c'est ce qui est vraiment très fort dans le film, c'est que finalement, quand tu utilises, bah, un peu comme nous, finalement, qui utilisons Internet tous les jours, que ce soit pour travailler ou que ce soit pour nos loisirs, en Divertissement, l'occurrence Movies machin. Nerd, c'est vrai que Ouais. enfin, toi comme moi, je pense qu'on a la même utilisation d'Internet, Voilà, on c'est est ça. tout le temps dessus, on a tout le temps besoin de recherche ou de enfin, voilà, c'est un Oui, non, mais outil. c'est un outil Et essentiel, on va dire. c'est vrai que quand tu utilises Internet tous les jours, forcément, ben Ralph va te parler, puisque ils ont réussi à matérialiser finalement tout ce que tu fais tous les jours. Et D'accord. la manière dont Internet réagit, en fait, quand tu l'utilises. C'est Ouais. ça qui est intéressant. Et c'est pas si facile que ça, je pense, à mettre en scène. Oui, non, je pense qu'ils ont Ah trouvé une bonne manière de le oui, il y a un faire. vrai travail là-dessus. Et on pourrait dire que c'est facile, mais en fait, non. Ensuite, voilà. Donc, il y a ce message sur l'amitié, il y a ce message aussi sur l'image de soi, quand même. L'image de soi en ligne, parce qu'il y a tout un moment où Ralph est amené à aller sur l'équivalent de YouTube. Dans le film, c'est Ouais. BuzzTube, un truc comme ça. D'accord. Donc, c'est. Y a, y Ah, a, ils ont pas eu le droit je crois qu'ils ont pas. sur Mais cette c'est ce que je marque. comprends pas, parce qu'ils ont eu les droits pour Google, mais ils ont pas eu Ouais. les droits pour YouTube. Ouais, je sais pas, c'est C'est bizarre. bizarre. Et du coup, il y a ça quand même qui est abordé aussi. Donc, l'image qu'on véhicule en ligne, l'image qu'on renvoie. Donc, pour les enfants, c'est bien, parce que les enfants ont quand même accès de plus en plus tôt à Internet et pas forcément en ayant toutes les connaissances nécessaires pour se protéger. Parce que, bon, Internet, ça peut aussi être dangereux, faut pas l'oublier. Oui, bah oui. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, non, je pense que c'est déjà bien. Ouais, j'ai à peu près fait le Non, tour. Après, le bémol, qu'est-ce que ce serait le bémol? Bon, il n'y a pas vraiment, quoi. Mais après, c'est. Voilà. L'ambition Oui, peut-être est... un peu moindre, mais c'est pas un gros Oui, problème en voilà. soi. Après, voilà, c'est vrai que. Est-ce que je préfère celui-là au premier? Alors, je pense que oui, celui-ci. Enfin, je revois les deux, je pense que je reverrai les deux sans problème. Le premier, je l'ai revu plusieurs fois avec plaisir. C'était tellement drôle au final. Oui, c'est vrai. Mais celui-ci, oui, je le reverrai Et du aussi coup, après l'humour avoir fonctionne bien, dans. quoi. Oui, ah Ici, oui, ah voilà. bah ça, oui. Ouais, ok. Oui, Bon, ça, mais bon, en même temps, moi, ça m'inquiétait pas trop. ouais, non, c'est vrai que derrière, il y a les mêmes personnes en plus qui étaient sur le premier, donc... Oui. Et puis même le doublage français, enfin de maison est toujours bien en Ralph. Je trouve qu'il Ouais, le ouais. campe bien. Et Dorothée Pousséo, pareil, convient bien à Vanellope. Donc voilà, il y a Jonathan Cohen aussi qui fait une voix. Ah oui, ouais. Ouais, Jonathan Cohen, quand moi j'avais la première fois que j'avais vu, c'était dans Burger Quiz, donc Oui, ah d'accord, bon. non, c'est ouais, il est... enfin, ouais, il était connu plus pour être dans la bande à Bref, enfin à Serge Oui, Gomito, Blok, bah oui, etc. du Ouais. coup, oui. Voilà, mais. C'est un pote Mais de non, mais Ken enfin, moi qu'aujourd'hui. j'adore ce mec, il est Oui, ah mais tellement oui, mais il drôle. est Voilà, survolté. moi j'adore son humour en fait, Oui, donc. mais il est très drôle de toute façon. Après, voilà. Alors après, le film se permet aussi pas mal de trucs. Moi je m'y attendais pas, mais on a quasiment une parodie de GTA. D'accord. De GTA Online. Parce que Ouais. moi je me suis vraiment vu sur GTA, vraiment. Ouais, d'accord. Ouais, Ok. et il y a un jeu de course en fait dans le film. Et clairement, c'est ça quoi. C'est vraiment. Je me suis dit, ben oui, mais ça fait très Los Angeles, ça fait très Downtown Los Santos là. Où habite Franklin dans le jeu, au début du jeu. Et Ouais, d'accord, ok. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il se permet de plus en plus de choses chez Ouais, Disney. ils se permettent d'être C'est un. cool. Oui, C'est cool, oui, hein. oui, On s'en plaint pas du oui. tout, Et cette course. Enfin, il y a cette course de bagnole, mais, ben oui, mais ça fait vraiment. Je me suis dit, mais oui, non, c'est ça. Hein. J'ai beau Ouais. chercher, mais je me dis, non, c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Alors, je sais pas si tout le monde y a vu ça, mais moi, ça m'a D'accord. vraiment rappelé. J'étais alors dans GTA. une certaine mesure, bien sûr, mais même en termes d'ambiance, de couleur et tout, ça faisait très GTA V pour le coup. D'accord, ok. Bon bah ouais non c'est cool. Enfin c'est vrai que ça surprend toujours de la part de Disney parce que Oui. tu t'attends au truc vraiment très édulcoré, très parce que bon ça fait je sais pas combien d'années que ça existe et que qu'ils ont toujours fait à peu près la même chose au niveau ambiance et tout ça et là comme ils se permettent des choses un peu plus poussées, plus extrêmes on va dire c'est cool Oui. quoi. Non c'est cool. Donc Ok. après, évidemment, il y a toutes les anecdotes qui sont propres à Disney. Alors au-delà, alors c'est vrai que le film a un petit côté Ready Player One avec les Ouais, références. moi c'est ce que j'ai un peu peur. Ouais, mais sauf que dans Mais... Ready Player One, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que Spielberg en a mis le plus possible pour faire plaisir à tout le monde, Ouais. même si je pense que ça va un peu quand même un peu au-delà de ça, parce qu'au final, ça sert quand même la narration. Notamment la scène de Shining, je trouve qu'il résume assez Oui, bien ça ouais, dans Ready Player One. C'est pas juste une référence, c'est qu'elle a non, vraiment un non, sens dans l'histoire. ouais. Mais là, pour le coup, alors c'est vrai que voilà, y a beaucoup de marques, on les voit, ils n'attardent pas dessus. Voilà. Quand ils C'est arrivent déjà dans le bien. monde d'Internet, bah oui, effectivement, on va voir pas mal de logos connus. Ouais. Mais bon, ils n'auront pas d'incidence dans l'histoire, et puis on va les voir une seconde, et puis c'est fini, quoi. Ouais, oui. Donc Donc ça, ça, c'est c'est bien pas ça. hyper gênant. Alors après, oui, forcément, quand ils arrivent à Oh My Disney, là, oui, là, tu vois là, tu vois le domaine Pixar, le Star domaine Wars. princesse, oui, alors le domaine Star Wars, Marvel, princesse Disney, officielle. Donc on revoit beaucoup de personnages de Disney qui viennent. Ça fait un peu comme à Disneyland, en fait, quand tu rencontres les personnages. D'accord. Tu vois beaucoup de personnages Disney qui viennent parader. On voit Buzz, par exemple. Alors Buzz qui a une drôle de tête par rapport à Toy Story. Ah, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Il est tout boudiné, tout. Il a un aspect vraiment. Ben, Disneyisé, quoi, Ben, il c'est... a un aspect Ouais. Disney et pas jouet, en fait. Ouais, d'accord, je vois. Voilà. On voit Bourriquet. Évidemment, on voit toutes les princesses à l'exception de. C'est laquelle qui manque déjà? Je sais plus. Fou, je suis en En train de gros, regarder là, c'est les mais... princesses qui ont été intronisées princesses Disney. Ah oui, ouais. Parce qu'à Disney, il y a ça. Il y a la tradition qui veut Oui. que. Il y a des princesses qu'on retrouve pas, genre Kida dans Atlantine, alors que pourtant c'est une princesse. puisque c'est la fille du roi de l'Atlantide. Mais, oui, c'est vrai, mais qu'elle n'a pas été intronisée. Mais elle n'a pas été intronisée princesse Disney comme Mulan, ou, alors que Mulan n'est pas princesse. Oui. Comme Mulan, non, Pocahontas. C'est très bizarre leur truc, je trouve. Ouais, ou Tiana, ou tout ça. Donc là, on retrouve vraiment les princesses officielles de Disney, celles qu'on retrouve dans les parcs Disney. La scène est drôle. Qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va plus loin que ce qu'on a vu dans la bande-annonce? Oui. Ouais, d'accord, okay. Elle est surtout très drôle. Mais le problème, c'est qu'on l'ait vu dans la bande-annonce. Ouais, on l'a vu beaucoup dans la bande-annonce. C'est ça le problème. C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il va rester quelque chose pour le film? Parce que je pense qu'elle aurait plus d'impact, en fait. Ouais, mais oui, c'est sûr. Après, si, quand même. Si. Quand même, il y a des trucs par rapport aux princesses qu'on n'a pas vu dans la bande-annonce et qui, pour le coup, vont vraiment participer dans la narration de l'histoire à un certain moment donné. Voilà. Mais sinon, la scène où Vanellope rencontre les princesses, clairement, c'est la scène de la bande-annonce, mais en version longue, quoi. Ok. Mais ça n'empêche pas que ça reste quand même très drôle. Parce que pour le coup, c'est beaucoup d'autodérision de la part de Disney. Mmh. Oui, c'est quand c'est on sûr. Lui demande si. En gros, quand elles énumèrent tous les clichés qui font une princesse Disney, et qu'au final, quand elles lui disent est-ce que tous tes problèmes ont été résolus par un homme grand et fort, et puis qu'elle dit oui, bah oui, donc c'est une vraie princesse. Donc voilà, bon, ça, c'est des petits trucs. Oui, voilà, c'est des pics, on s'y attendait. C'était attendu, mais bon, c'est vrai que c'est toujours. On a tellement eu cette image de Disney qui est incapable de casser son image et de prendre des risques. Et c'est vrai que depuis quelques années, ils essayent quand même de sortir un peu de leur carcan. Donc bon, c'est toujours plaisant à voir, quoi. C'est ça. Après, il ne faudra pas que ça retard, devienne un automatisme trop facile non plus. Oui, voilà, c'est parce ça. Parce que ce sera redondant, pour le coup. Ah, ça, c'est clair. Je pense que ce sera plus malin de le faire dans des films, justement, de princesses, qui sont pour le coup leur marque de fabrique. Oui. J'espère que, oui, sur La Reine des Neiges 2, si vous pouvez prendre des risques un peu comme ça, ce serait bien. Oui, c'est clair. Ce qui était un peu déjà le cas avec sur le premier, avec La Reine des Neiges, quand même. Voilà, oui, c'était déjà. Parce que Elsa ne répond pas aux critères. Le destin d'Elsa ne répond pas aux critères d'une princesse Disney. C'est ça, et Moana non plus. Ouais. D'ailleurs, alors oui, voilà, je voulais parler de ça rapidement par rapport aux princesses Disney. Chronique Disney, qui est un très bon site. Internet quand même, qui est très bien référencé, qui sont un petit peu trop pro Disney parfois sur leur page Facebook, mais qui est un très bon site, qui est un très bon site quand même en termes d'archives, c'est une bonne bibliothèque Disney. Ils ont fait un podcast donc sur les princesses officielles Disney, donc ça va de Blanche-Neige à Moana, avec une philosophe qui est venue dans le podcast, donc une vraie philosophe qui enseigne la philosophie. D'accord. Et qui, du coup, donnait son avis par rapport à chaque princesse aussi, et à sa représentation, surtout, de l'image de la femme, en fait, à travers chaque princesse, en prenant compte du contexte de l'époque et tout ça. Oui, donc, ça a été fait dans le cadre du journée pour le droit des femmes. Le podcast est très bien fait, et la philosophe en question, du coup, elle s'appelle Florence, mais j'ai plus son nom de famille. A réalisé deux dossiers sur le site de Blanche-Neige à Aurore et après de Anita descend un dalmatien jusqu'à Vaiana. Ok. Donc ça reprend les dossiers, en fait, reprennent plus largement tous les personnages féminins de Disney. Oui, pas juste les princesses du coup. Ouais, donc ça prend en compte même les trucs qui ont été faits à part, genre le crapaud et le maître d'école, tout ça, ça va vraiment dans les petits films Disney qui sont sortis pendant la guerre ou après. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Si vous vous intéressez à la culture Disney, et notamment pour le coup à la représentation des femmes dans l'Empire Disney, c'est vraiment. Le podcast est à écouter parce qu'il est pas long, il fait 1h30 et il est bien complet, ils abordent tout. Et les deux dossiers sont très intéressants à lire aussi. Ok. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Oui. Voilà. Moi, de toute façon, je suis assez impatient de le voir pour découvrir. De toute façon, comme il faut que je voie tous les films Disney, c'est. Évidemment, on rigole. C'est beaucoup. Obligatoire. Ouais. Oui, voilà. Oui, ça, c'est. Je l'ai pas forcément trop dit, mais c'est très, très drôle. Ça, oui. Mais je pense que c'était un peu. Enfin, c'est. enfin, ça fait partie du cahier des charges, on va dire. Pour le coup, c'est avec les mondes de Ralph, c'était vraiment drôle. Et ouais. Là, la suite, c'est une pure comédie aussi, quoi. Non, mais ça, c'est vraiment cool, en plus. En plus, on a des, enfin, au niveau américain surtout, on a des vrais comédiens humoristes qui doublent, donc ça rajoute en plus. Donc ouais, non, c'est vraiment cool. Bah voilà, bah, on a fini du coup la Selec et bah, on va passer tout de suite au film du mois. C'est parti. On est à la rubrique du film du mois et ben on va pas changer d'ambiance puisqu'on reste dans le film d'animation, mais on passe de l'autre côté de la barrière, on va dire, chez DreamWorks, avec Dragon 3, Le Monde Caché, qui est sorti en France le 6 février 2019 et aux États-Unis le 22 février 2019, toujours réalisé par Dean DeBlois, ouais. Scénario de Dean DeBlois et Cressida Cowell. Et au niveau des voix, bon, je vais faire les voix françaises puisque là, il passe quasi, enfin, il me semble qu'il passe que en VF en France. Oui, et voilà. Donc Donald Renew, Florine Orphelin, Féodor Atkin, Isabelle Gardien, Emmanuel Jacomi, Michel Dodan. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est marrant. désolé. Émilie Rolt, Pascal Groul. Arthur Pestel, pardon, Nathanael Halimi, Jim Redler, Gérard Darrier, Frédéric Norbert, Natacha Muller, Loïc Oudré et Nathalie Canouille. Voilà, j'ai fait tout le casting. Et puis, ben, on a Xavier Dolan au Québec, hein, pour nos amis québécois. Au Québec. Ah oui, c'est vrai. Voilà, qui fait la voix de Harold ou Hiccup. Hiccup, ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc c'est la, je l'ai dit au début, mais c'est du coup la fin de cette trilogie qui avait commencé en 2010, il me semble, avec le tout premier Dragon. Et bah, celui-ci est vraiment, enfin, fonctionne à merveille au box-office puisque il a déjà eu 350 millions de dollars récoltés pour l'instant mondialement. Il a récolté 58 millions de dollars pour son premier week-end, donc c'est pas ça. Mal. Et c'est le second meilleur démarrage de l'année 2019, donc voilà. Quand même, c'est plutôt bon pour un film DreamWorks, mais il était aussi très attendu. Ah oui. Donc voilà, non, c'est vraiment cool. Bah, puis Croque-Mou est tellement populaire. Ah oui, c'est vrai qu'il est très populaire. Et puis ce que j'aime bien aussi avec cette saga, c'est qu'on a vraiment, on a l'impression d'une histoire qui débute et qui finit, enfin qui débute avec le premier et qui finit avec le troisième, comme si ils avaient pensé ça sur comme une trilogie au lieu de faire film après film, en essayant de trouver des histoires. C'est pas Toy Story ou. C'est ça. On sent moins la continuité en fait dans l'histoire, même si bien sûr il y a il y a une logique sur, voilà, les c'est trois, ça, mais là on la sent prévue à l'avance, qui peut se regarder indépendamment, ouais, des autres, oui. C'est ça. Et on sent comme si ça a été pensé comme une série télé, quoi, en fait, où on a déjà la fin en commençant à écrire le premier, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Alors toi, Eddy, tu as fait une critique aussi sur le site. Ouais. Très bonne critique d'ailleurs. Et et du coup, bah, je voudrais savoir ce que tu en as pensé de ce film. Alors moi, évidemment, je l'attendais beaucoup. Ouais. D'autant plus que moi, j'ai un fan hardcore de Dragon à la maison. Ouais. fan plus. du coup, bon, évidemment, on l'a vu Day One, hein, ça c'était obligatoire. Day One, séance de 16h, donc là on pouvait pas. Ah oui, non. Ah oui, on avec était vraiment tous les gamins, j'imagine, dans la salle. Ouais, mais ça a été, franchement, ouais, ça a été. Non, ça, ouais. Bah oui, mais vu qu'il y avait Nicky Larson qui sortait en même temps, du coup, il était diffusé dans une petite salle, Dragon. Ah oui, ouais. Et Ouais. ben, ça a duré qu'une journée parce que du coup, la salle était complète, T'es donc ils se sont pleine. résignés, ils ont changé toute leur programmation. D'accord, ok. Voilà, bien fait pour eux. Ça leur Oui, bah apprendra à oui, diffuser de la merde dans les grandes salles. hein. T'avais pas vu Je suis méchant. Non, non, je sais pas, j'ai Non. même pas vu Nicky Ouais, Larson, mais ouais. j'aime pas Philippe Lachaud. Ok. Et bref, du coup, oui, donc moi, bah oui, il y avait l'impatience était grande, hein. Et bah du coup, c'était super, évidemment. Ouais, bah ouais. Sans grande surprise de ce côté-là, moi je m'attendais à ce que ça soit beau et que ça soit émouvant. Alors là, pour le coup, on y est vraiment. Ouais, là, les cases sont cochées. Les cases sont cochées, oui. La case Kleenex est cochée, il n'y a pas de C'est ça. problème. Bah oui, forcément, toute la dernière demi-heure est assez riche en émotions. Ouais. Et encore une fois, même si Dragon va vraiment là où on l'attend par rapport à l'émotion, tout ça ne l'empêche pas d'être bien écrit à côté quand même et de nous raconter quand même une dernière aventure avec ses vrais enjeux, malgré le fait que Croque-Mou finalement soit un dragon alpha quand même, Oui, ce qui n'est ouais. pas rien en termes de statut Donc ce qui a été découvert dans le deuxième, Ouais, hein, voilà, dans voilà. l'univers de la saga Dragon, dans l'univers mythologique de Dragon en tout cas. Et ce qui, encore une fois, fait vraiment la richesse de Dragon 3 et ce qui faisait déjà la richesse du deuxième en continuité du premier. Parce que pour le coup, je trouve que Pardon. Pas Le de souci. deuxième, c'est vraiment la continuité du premier. Ouais. Alors que sur celui-ci, pourtant, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps qui se passe entre les deux histoires. Mais. On sent quand même qu'il y a eu un peu de temps qui s'est passé où on a une Ouais. partie qui n'a pas été racontée, quoi. C'est ça. Mais du coup, je trouve que celui-ci se prend un petit peu plus en dehors des autres, vraiment, comme Ouais. le. Il les suit, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que le premier et le deuxième peuvent s'enchaîner très Oui, facilement. Alors que celui-là, c'est vrai que. Ben on peut vraiment le prendre à côté quoi. Et pour le coup, le film réussit très bien reprend ce qui avait fait sa force dans les deux autres, c'est l'intelligence de traiter Harold et Croque-Mou non pas comme deux amis, mais plutôt comme deux frères en fait, parce que l'un et l'autre ont grandi ensemble, l'un et l'autre se sont découverts eux-mêmes ensemble. Parce que Croque-Mou ne serait pas devenu un alpha Sans Harold. sans Harold, par exemple. Ne serait pas devenu le dragon qu'il est sans Harold. Et C'est ça. inversement, Harold ne serait pas devenu celui qu'il est sans Croque-Mou. Et au-delà de ça, ça périclite sur plein de trucs, puisque bah, les Vikings ne seraient pas ce qu'ils sont dans le 3, et dans le 2 et dans le 3, si Croque-Mou n'avait jamais fait irruption sur Burk, quoi. Donc le film reprend tout ça, donc c'est une vraie suite qui reprend l'héritage des deux premiers, et évidemment avec tout ce que ça incombe, donc les personnages ont évolué. Harold a vraiment des responsabilités qui incombent à son nouveau statut de chef de De clan. chef, ouais. Et au-delà de ça, évidemment, on a le bon, évidemment, il y a le méchant de l'histoire qui est là parce qu'il en faut un. Alors, c'est peut-être pas le plus charismatique. C'est un peu le défaut que je trouverais au film, c'est ça. C'est peut-être pas C'est le plus ouais. charismatique, mais déjà, pour moi, le deuxième, dans Ouais. le deuxième, c'était pas non plus le point fort de Dragon 2. Non, c'est clair, ouais. Le premier était tellement génial puisque finalement, il n'y avait pas vraiment de méchant. Ouais, C'est ça qui faisait sa force aussi au film, c'est que bah, les vrais méchants, c'était. Enfin, le méchant de l'histoire, finalement, c'était les a priori qu'on avait sur les dragons. sur les dragons, sur ces créatures qu'on ne comprenait pas. Et c'est ce qui faisait vraiment toute la beauté en plus du truc. Parce que même s'il y a le gros dragon à la fin du premier, le dragon alpha. Bon, et oui, alors oui, c'est le big boss final, mais c'est pas vraiment le gros méchant de l'histoire non plus, quoi. Oui, c'est ça. Donc ici, c'est vrai que le méchant en question représente une menace certaine, ça c'est sûr, C'est un braconnier, hein, en tout Oui, cas. c'est ça. Donc Voilà. le message est intéressant hein, en soi, hein, c'est pas le souci. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas le méchant le plus intéressant de la C'est franchise. vrai, c'est vrai. Néanmoins, ça n'empêche pas que ça donne lieu à beaucoup de scènes importantes et intéressantes, notamment de notre rapport aux autres et à la nature aussi, et aux animaux. Parce que, alors, les dragons, pour le coup, ont de vraies émotions et sont vraiment des personnages, c'est pas juste des animaux qu'il faut protéger, les dragons sont capables de se défendre, par exemple, mais ça reste quand même des êtres vulnérables sur lesquels il faut veiller. Et c'est ce qui fait aussi la force du film, c'est que ben c'est malgré les apparences, ce sont des créatures, des créatures sur lesquelles il faut veiller. Clairement, c'est ça. C'est pas, ils ont beau cracher du feu ou avoir des habilités bien précises chacun, il faut prendre soin d'eux, quoi. Et donc ça, le film parle des responsabilités qu'on peut aussi avoir face à son animal. Et quand on voit régulièrement les articles dans la presse, ce que font subir certaines personnes à leurs animaux de compagnie, moi, c'est assez aberrant quand même. C'est enrageant. Et c'est triste de se dire que finalement, c'est encore les films qui parlent de ça ont encore une vraie nécessité. Ben ouais. Ils sont pas juste là pour faire joli. Et ce qui est bien, c'est que ce genre de film, ça parle aussi bien aux adultes qu'aux enfants. C'est ça. Et du coup, Et ça inculque finalement le fait que ça soit de l'animation qui est quand même censée, qui s'adresse à tout le voilà. monde, bien sûr, mais qui est quand Ouais. même un genre Mais auquel, dans l'imaginaire collectif, c'est plus c'est enfantin. plus enfantin, mais c'est surtout que même si ça peut, si ça s'adresse à tout le monde, les enfants, on sait que les enfants sont plus réceptifs pour le coup à l'animation. Ouais, Ce qui est ouais. logique. Ce qui est pas logique, c'est de penser que c'est que pour eux, que c'est pas pour les adultes. Oui, voilà. C'est pas le problème. Ouais. Oui, Que les enfants ils soient plus réceptifs, ça c'est pas de souci là-dessus. oui. Mais du coup, oui, forcément, véhiculer des messages comme ça dans un film comme ça, c'est important puisqu'on sait que les enfants le verront et qu'un enfant c'est pas juste bon à crier, à foutre le bordel, ça cogite aussi. Oui, ouais. Donc Bah oui. c'est important, même jeune, qu'il soit mis face à des situations comme ça dans certains Oui. films pour que eux aussi puissent se forger leur propre avis là-dessus et puis essayer de pas reproduire ce qu'ils voient de grave à l'écran, quoi. C'est ça, exactement. Donc bon, Dragon, ils ont très le scénario Ouais, non, les scénaristes ont très bien compris ça. il est top, hein, le scénario. Et au-delà de ça, bah voilà, c'est une vraie conclusion aussi de l'histoire. Alors, moi, j'ai un ami sur Facebook qui était pas trop d'accord. Je pense que tu verras de qui je parle. Ouais, je vois. Qui pour le coup adore vraiment les deux premiers et qui a été déçu par le 3 puisqu'il trouvait que finalement le prétexte de cacher les dragons était pas hyper bien amené, que ça avait pas trop d'intérêt. Alors moi, pour le coup, je suis pas d'accord Ouais, pas du tout. puisque ben non. Au contraire, malgré tous les efforts faits par les habitants de Burk et pour que les dragons soient acceptés, C'est qu'une tribu, c'est c'est pas ça, tout le monde entier. c'est un petit microcosme finalement, Voilà. Burk. Et on le voit bien au début du film. La situation n'est pas vraiment viable, Et d'ailleurs. d'ailleurs, il bouge de l'île Oui. Burk pour aller vers Parce que là, nouveau. parce que c'est plus possible. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout que, mais malgré tout, ils se rendent bien compte qu'on en voudra toujours à leurs dragons. Donc ça va aussi dans la logique de la mythologie nordique, où finalement les dragons sont des créatures mythiques, puisqu'on ne les a jamais vus. Mais au final, la trilogie dragon donne un passé à ces créatures, qui pourrait très bien coller avec les légendes qu'on a. La mythologie Que nordique. raconte la mythologie nordique. On peut supposer que oui, ces créatures ont vécu, elles ont peut-être vécu avec des humains, mais on peut pas être sûr de tout ça, c'est que de la spéculation. Et je trouve que Dragon va bien là-dedans. Et pour terminer sur la mythologie nordique, ça reprend aussi tout le pan, tout l'imaginaire mythologique scandinave avec Yggdrasil, l'arbre du monde, Oui, bah oui. avec le monde souterrain notamment. Ça, c'est très. Enfin, quand on se renseigne un peu sur la mythologie nordique, c'est des choses qu'on retrouve et pour le coup, ils s'en inspirent ici et ça a un vrai sens et c'est très très beau d'ailleurs dedans. C'est certainement les plus belles scènes du film en termes de couleurs et de mise en scène. Ça m'a fait penser un peu dans Coco, tu sais, Oui, quand ils Avatar aussi, j'ai trouvé un peu. ouais aussi Avatar, ouais. C'est tellement magnifique. La bioluminescence, tout ça, ouais. Ouais, C'est c'est très juste. très beau, ouais. Quand ils arrivent, et puis que du coup, on voit toutes les écailles de tempête, la dragonne de Astrid qui s'éclaire, c'est super beau. Ouais, C'est vraiment très très c'est. beau ça. Et après, évidemment, élément important de l'histoire, c'est la furie lumière. La Oui, furie éclair, c'est furie donc, lumière, puisqu'on pensait furie que éclair. Croque-Mou était le seul furie nocturne qui existait Oui, encore dans le le monde, seul et représentant de son espèce. voilà, c'est ça, représentant de son espèce, et on découvre une furie éclair, donc une femelle, qui, ben, voilà, qui pourrait poursuivre, du coup, enfin, Bah, qui pourrait comment aider dire, à préserver voilà, c'est ça, la race des furies nocturnes. Ouais. Et, ouais. Et c'est pas un petit ajout, enfin, elle a une vraie Non. utilité aussi, puisque forcément elle va amener Croque-Mou à évoluer. Donc pareil, c'est À un se poser des élément. questions aussi, si préf enfin voilà, parce que on voit aussi que Harold, même s'il dit qu'il n'est pas jaloux, il est quand même jaloux du temps que Croque-Mou passe avec elle, etc. Et Croque-Mou, bah, il se retrouve entre deux impasses, quoi. Il doit choisir une solution. Et voilà, donc Oui, parce c'est un. que c'est ça, c'est que Harold, c'est un scientifique dans l'âme. C'est Ouais. un ingénieur, c'est quelqu'un de De logique, pragmatique, ouais. voilà, qui réagit. Que ses émotions sont importantes, mais il pense logiquement. Et là, pour le coup, lui, ça le confronte à son ressenti aussi. Chose à laquelle il n'avait pas été confronté finalement avec Astrid, puisque bah, Astrid n'a, ben, il a clairement vu qu'Astrid n'avait pas d'yeux pour quelqu'un d'autre que Oui, lui. ouais, c'est Et ça. pour le coup, Croque-Mou, qui est son frère, son meilleur pote, enfin son âme sœur aussi en quelque Ouais, bah sorte, oui. ben, lui forcément, il a d'autres intérêts. Au-delà que sa super amitié avec Harold. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est intéressant aussi d'aborder ça et bah, de montrer que nos chemins peuvent éventuellement se séparer. C'est pas pour autant C'est ça. Qu'on peut. que tout ce qui s'est passé ne compte pas et que ça n'existera plus, bien au contraire. Donc Oui, voilà. moi je trouve que le film du début à la fin fonctionne très Ouais, bien. non, en fait, il évoque des petites leçons de vie, en fait. Et Constamment, ouais. il le fait très bien, ouais, voilà, constamment, il le fait très bien, d'une manière très intelligente. Et c'est un plaisir, déjà, visuellement, Oui, c'est parce que c'est ça, parce magnifique, que techniquement quoi. tout va bien en plus, quoi. C'est Voilà, en que fait, c'est on se beau, pose même c'est plus la pas question lent, tellement c'est c'est. magnifique, quoi. Donc, Oui, c'est ça. c'est super bien réalisé. Les scènes d'action, on en prend plein les yeux, vraiment. Et enfin, bon, on avait l'habitude, hein, avec les deux premiers dragons, mais Ah ouais, non, mais le deuxième, ouais, pour l'avoir revu avant, même ouais. le premier, hein, mais le deuxième, pour l'avoir revu juste avant, il y a des scènes, il y a une scène de bataille là sur la plage. Sur la plage, ouais. C'est. Bah ouais, Enfin, non, Peter c'est Jackson a non. fait des super trucs dans Seigneur des Anneaux, mais là, ils nous ont fait des. Il y avait des plans épiques aussi, vraiment C'est ça, et impressionnants, en quoi. plus, le fait que ce soit en animation, ils ont la liberté totale de mettre la Ouais. caméra où ils veulent, Et ça, de la déplacer comme ils veulent. ils en saisissent totalement Voilà, c'est ça. l'opportunité, en fait. Et c'est agréable, en fait, de voir qu'ils ont vraiment de l'ambition C'est en de. créatif. Voilà, c'est ça. Ils ont de l'ambition en dehors de raconter une belle histoire, en fait, de la raconter joliment et de proposer des choses intéressantes techniquement et visuellement, quoi. Donc non, c'est vraiment cool, quoi. C'est un peu on va dire c'est un peu on a l'habitude quoi de la part de l'équipe de Dragon parce que DreamWorks en général parfois ils sont un peu plus fainéants selon les équipes Bah, sur c'est vrai que certains sur des films films comme Kung Fu Panda, ils le faisaient aussi. Ils se voilà c'est permettaient ça beaucoup de choses mais je visuellement. parle de Les Trolls ou des choses comme ça où on est Oui. un peu moins enfin visuellement et techniquement au niveau des jeux enfin de la réalisation. On est beaucoup moins ambitieux que dans ces films-là. Bon, après, je dis pas qu'il y a peut-être aussi un truc avec le budget. Là, Oui, on a. parce que clairement, les trolls, je pense que oui, le budget est moins Oui. important. Et moins Le but, c'est de surfer sur une licence là avec les trolls. C'est ça, c'est ça. Mais par exemple, je sais pas, Shrek en son temps déjà était créatif. Oui. Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. Il y a qu'à voir Shrek 2, quoi. Enfin, fort lointain, il y a des détails partout. Enfin, quand ils arrivent à fort fort lointain sur la fameuse musique. Ouais. J'ai l'air en tête, mais j'ai plus le nom. Quand ils rencontrent les parents pour la première fois, c'est génial. En plus, c'est tellement drôle, c'est magnifique. Oui. Puis c'est vraiment, c'est Los Angeles, mais version médiévale. Et pourtant, tu reconnais que c'est Los Angeles, quoi. Hollywood. Ouais. Donc, c'est vraiment. DreamWorks, ils ont toujours su aller un peu comme ça là-dedans. Madagascar aussi, dans une certaine mesure. Je trouve que Madagascar, c'est plus. En fait, ils s'attachent plus à l'animation des personnages pour que ça fasse vraiment cartoon et qu'ils puissent faire le plus de blagues possible. Mais moi, c'est ce que j'adore dans Madagascar, justement. C'est peut-être moins. Enfin, si, il y a de l'ambition visuelle, mais je trouve qu'ils s'attachent plus aux personnages. Vraiment, ils mettent tout leur argent là-dedans. Et les décors, c'est un peu moindre. Enfin, voilà, c'est joli, mais c'est pas non plus. Ça nous fout pas une claque énorme. Et le plus important pour eux sur Madagascar, je pense, c'est vraiment les personnages qui bougent bien et que ce soit très cartoonesque, quoi. Oui. Alors que Dragon, c'est plus réaliste, je trouve, au niveau des personnages. On est moins dans. Enfin, réaliste, et encore, il y a dans un monde avec des dragons, etc. Mais voilà, au niveau des mouvements des personnages, ça suit une logique de physique qui paraît terrestre, quoi. On n'est pas dans un autre monde, etc. On est vraiment. On a l'impression que ça se passe dans une partie inexplorée de la Terre, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ouais, non, c'est vraiment cool. On est vraiment dans les étendues du Nord. C'est ça, exactement. On ne connaît pas et que... Ouais, encore inexploré, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ça reprend, en plus, c'est malin, puisque finalement, les Vikings étaient des explorateurs aussi, en quelque sorte. Oui, bah oui, clairement. On suppose quand même que les Vikings ont certainement découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Que du coup, le film reprend ça aussi, quoi. Reprend cette dimension-là. Non, mais de toute façon, c'est très malin parce que, dans les scénarios des trois dragons, au final, ce qui fonctionne, c'est que, effectivement, les histoires en elles-mêmes sont bien, mais surtout qu'ils ont une vraie conscience des univers dans lesquels ils sont. Ouais. Donc, c'est ce que j'apprécie tout particulièrement, et c'est pour ça que c'est une de mes sagas préférées, même cinéma tout confondu, mais chez DreamWorks, c'est justement une de mes sagas préférées parce que l'univers est cohérent et que il a été pensé à l'avance. Oui, c'est ça. Tout fait sens. Il y a pas en fait, ils découvrent puisque Harold est un peu explorateur. On l'avait vu dans le 2, il me semble, avec sa carte. Oui, il est explorateur dans le 2, au début. Explorateur, du 2, oui, il cartographie des îles. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, ce que j'adore, c'est qu'on découvre à chaque fois des nouveaux endroits qu'on n'a pas découvert. Et en fait, on n'a pas l'impression que ça a été rajouté là après. Ces mondes, etc., ils étaient déjà pensés comme ça. Et on découvre au fur et à mesure des films, quoi. Et c'est tout l'univers cohérent comme ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément dans des sagas. Et c'est, là, franchement, c'est super bien réussi. Donc, non, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est parfait, voilà, quoi. Après, c'est vrai que cette ambition visuelle et créative et le fait d'être assez jusque-boutiste comme ça, c'est ce qui avait pénalisé aussi parfois des films comme Les Cinq Légendes, qui n'avaient pas fonctionné au box-office parce que ça avait été jugé un peu trop sombre. Ouais. Alors que pour le coup, Les Cinq Légendes, c'est vraiment... Visuellement, c'est très ambitieux. Ah oui, mais même au niveau de l'histoire, je trouve. Ouais. Enfin, il y a une vraie démarche. Et puis, visuellement, enfin, faut quand même imaginer tout ça. Ça a été produit par Del Toro, il me semble. Les Cinq Légendes. Ouais, il me semble qu'il y avait peut-être une patte Del Toro dans le coin, hein, si je me trompe pas. Parce que les univers visuels sont quand même très très fouillés par rapport aux personnages. Ouais. La fée des dents, le marchand de sable, le Père Noël, enfin l'atelier du Père Noël, c'est génial, quoi. Ouais, non, c'est super. Et constamment chez DreamWorks, tu sens le problème c'est que chez DreamWorks, tu sens quels sont les films sur lesquels ils ont de l'ambition et sur lesquels ils n'en ont pas, parce que Le Prince d'Égypte, c'est pareil. Quand c'est sorti, Le Prince d'Égypte. Mais tellement. En plus, c'était hyper controversé, parce que faire un film sur la Bible, forcément, c'est toujours. Oui, en plus, premier film d'animation du studio. Il se lance là-dedans, c'est compliqué, quoi. Pardonne-moi l'expression, mais il faut quand même avoir des couilles, quoi. Voilà, c'est ça, non, mais c'est clair, mais bon, c'est Steven Spielberg derrière, voilà. et Le Prince d'Égypte, après, même si parfois ça peut paraître un peu, un peu pompeux, ça n'empêche pas que ça reste quand même un très très beau film. Enfin, moi, toute l'ouverture du Prince d'Égypte m'a vraiment... Waouh, c'est impressionnant, quoi. Enfin, la musique et tout, enfin, tout est sublime. Et puis, c'est violent, le Prince d'Égypte. En fait, ils ont vraiment cherché à se démarquer de Disney dès le début, et c'est ça qui est agréable. Et c'est pour ça qu'il dure, je pense, parce que on sent vraiment, parce que la plupart des gens qui travaillaient à DreamWorks et qui travaillent encore à DreamWorks, c'est des anciens de Disney. Du coup, on sent qu'ils ont vraiment voulu se démarquer dès le début de toute cette imagerie Disney, quoi, et vraiment de se lancer dans un truc. Clairement que Disney n'aurait jamais tenté de faire, quoi. Se lancer dans le Prince d'Égypte, je pense pas se lancerait. Non. Voilà, quoi. Non, mais c'est... Ouais. C'est ce qui est bien chez DreamWorks, c'est qu'ils sont originaux et ils savent se démarquer aussi de tout ce qui se fait à côté, donc... Oui, c'est vrai. Donc, non, c'est... Après, c'est maintenant, on espère quand même que DreamWorks va retrouver une saga qui aura la même portée que Dragon. C'est ça le souci, maintenant. Ça fait un peu peur. Ouais, parce que les prochains, bon, ils avaient prévu un Shrek 5, mais pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Les Trolls... Bah, qui serait un reboot, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. Il y a les Trolls 2, les Croods 2, et Baby Boss 2. Alors, les Croods, c'est pareil, bon, c'était pas vilain. Oui, voilà, c'est mais ça, c'est il marrant. Il manquait un truc, quoi, dans les Croods. Ouais, voilà. Les Croods. Mais c'est ce genre de film turbo ou Baby Boss ou En route, etc. C'est vraiment... Mais Baby Boss, oui, bien sûr, elle a tellement bien marché. En plus. c'est dommage qu'ils tentent des choses, mais après, c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué quand même pour eux. On espère quand même qu'ils vont trouver un truc qui fonctionne dans le futur. Un truc qui sort un peu des sentiers battus, quoi. C'est ça, non, clairement. Parce que là, à part nous sortir des deux, ce serait bien de nous sortir un truc original. Ouais. Il y a Abominable en 2019, mais je vois pas ce que c'est. Ouais, je sais pas non plus. J'ai essayé de regarder vite fait, mais apparemment, c'est pas. Ça a l'air d'être quelque chose qui se passe dans la mythologie chinoise. C'est l'histoire d'un Yeti, je crois. Ouais, voilà. Yeti magique. Oui, c'est ça. Bon, on n'en sait pas trop. Mais voilà, donc. Pour finir sur Dragon 3, moi je vous le conseille énormément. Je pense que si vous avez aimé les deux premiers, vous l'avez déjà vu. Mais si c'est pas le cas, si vous n'avez vu aucun des dragons, franchement, on vous conseille cette trilogie parce que franchement, ça sort des sentiers battus de ce qui se fait en animation. Oui. C'est clairement quelque chose de très original. Et voilà, c'est le fait qu'on ait une saga qui se termine, qui marche de bout en bout et qui n'est pas un film qui soit vraiment plus faible qu'un autre. Il y a peut-être des petites faiblesses par-ci par-là dans la saga, mais ça reste assez cohérent et assez homogène, on va dire, dans la qualité que ça représente. Donc franchement, moi je vous conseille à fond ce Dragon 3. Et vous allez pleurer à la fin si... parce que c'est très triste à la fin. Moi c'est tout ce que je peux vous dire. Eddie, toi tu voudrais rajouter quelque chose ou... Non, je pense qu'on a assez bien résumé le truc. Hein. Je le conseille. Après, je sais pas s'il passe encore, mais. Peut-être. Je pense qu'il passe encore dans les multiplex. Ça, c'est le genre de film qui passe encore souvent en multiplex. Et moi j'ai pas vu les séries Netflix. Je sais pas où elles se passent dans la. Chronologie, etc. Alors, il y en a une, c'est entre le premier et le deuxième. Mm-hmm. Et les deux autres, je crois que c'est entre le 2 et le 3. D'accord, ok. Donc, Par contre, artistiquement parlant, c'est pas la même chose. On est clairement en dessous. Hein. Oui. C'est de la série animée. Voilà. Et elles sont pas... Enfin, de mémoire, elles sont pas hyper intéressantes. D'accord, ok. Voilà. Donc, vraiment, si on peut vous conseiller, c'est regarder les films. C'est pas comme les... C'était quoi, les Star Wars avec Anakin? Clone Wars. Oui, qui pour le coup étendait vraiment l'univers. Oui, c'est vrai. Tout en restant quand même cohérent entre les épisodes où il se situait. Mm-hmm. Ouais, non, c'est, ça apportait quelque chose. Le coup, Anakin était plus intéressant là-dedans. Ah, mais clair, enfin, franchement. on le voyait former son apprenti. Le noir, c'est meilleur tout. Que toute la prélogie, hein, franchement. Ouais. bref. Donc, voilà, on vous a donné notre avis sur Dragon 3. On le conseille énormément et on est très triste que ça se finisse. Mais en même temps, moi, je préfère que ça se finisse comme ça plutôt qu'on nous sorte des 4 et des 5 qui n'ont pas d'intérêt. Et voilà. Et bah du coup, on va finir ce podcast avec la dernière rubrique qui est la Minute Nerd. C'est parti. À la dernière rubrique de ce podcast, et cette fois-ci c'est à moi de faire la Minute Nerd. Donc comme j'ai dit, j'ai trouvé ça rapidement, mais en fait c'est vrai que je voulais en parler depuis un moment, mais le problème que j'avais avec ça, c'est que c'était pas encore disponible à un public qui ne parle pas anglais. Et là c'est enfin le cas puisque c'est sorti sur Netflix et Netflix France, et du coup enfin tout le monde peut regarder. Et c'est Conan Without Border. Je donc t'allais c'est... parler de RuPaul's Drag Race. Ah parce que... non parce que maintenant ça y est, c'est dispo en français sur Netflix. Ah oui oui, non désolé. Ah bon, non, j'ai... c'est pas ça. Non c'est pas ça. Même si je suis sûr que c'est très intéressant. Ah, oui, j'ai pas regardé, c'est super mais... drôle. Moi j'adore. Pour expliquer un peu le principe, c'est Conan O'Brien, c'est un présentateur de late show américain qui fait ça depuis une vingtaine d'années déjà. Et pour moi, ah oui, qui oui, est, Conan, oui, ben Conan, ouais, oui, okay. Ouais, Conan O'Brien, donc qui est, enfin, il est quand même un peu connu, mais même si le public français ne connaît pas non plus. Enfin, je pense qu'ils connaissent plus Jimmy Fallon ou parce que ça passe plus en France. Il y a eu des versions sous-titrées sur Canal ou des choses comme ça. Ou voilà. Donc, mais moi, personnellement, je trouve que Conan O'Brien, c'est vraiment la personne qui fait le mieux l'exercice du late show et qui a un humour qui fonctionne à merveille. Il a écrit sur les premières saisons des Simpsons. Donc voilà. Ah oui, ça, oui, voilà. Donc, Donc il a un humour vraiment super, enfin vraiment super, qui me plaît énormément. Il est très très bon en improvisation aussi, et c'est ça qui fait tout le plaisir de cette émission. J'avais justement vu puisque une interview qui m'avait vraiment fait rire. Alors, je sais plus avec qui c'était. Mais non, c'était pas avec Lady Gaga, je crois. Ouais, non, mais il est toujours très très bon en interview justement. Il trouve ou George R. Martin. Ah oui, ouais. Par oui, rapport au Noces Rouges, je crois, à l'épisode de Game of Thrones de la saison 3. Ouais. Et George R.R. Martin, du coup, voyait les réactions des gens par rapport à l'épisode. Voilà, ça vient de lui. Ça vient de cette émission. Enfin, de Conan, du coup, qui fait son émission, du coup, qui la faisait avant sur NBC. Donc, c'est un peu la deuxième plus grosse chaîne aux États-Unis et qui est passée sur TBS. Donc, c'est une chaîne en 2011 à peu près. C'est une chaîne du câble, donc il y a un peu moins de personnes qui regardent, mais il a en fait un groupe de fans tellement fort que ça fonctionne toujours très bien. Et là en fait ces émissions c'est dispo sur YouTube en version pas sous-titrée, mais là Netflix a sorti du coup c'est Conan Without Borders, donc Conan sans frontières, et en fait c'est des émissions de 40 minutes où il va aller découvrir un pays. Et il va aller Cuba, se confronter. Mexique, Israël, Haïti et Italie. Voilà, c'est ça. Il en a fait plus, mais pour l'instant, c'est ce qui est disponible sur Netflix. Je pense, il a fait l'Allemagne. Il a fait. ça va être drôle. Ouais, c'est extrêmement drôle. Il a fait aussi le Japon. Voilà, il y a vraiment des. Moi, je vous le conseille énormément parce que. Ouais, même Haïti, c'est assez. Ouais. Parce que c'est pourtant un pays qui va pas bien en ce moment. C'est ça, en fait. Il est allé à Haïti, justement, après que Trump ait dit que c'était un shitty country, donc un pays de merde, quoi. Voilà. Voilà. Et du coup, il est allé là-bas pour justement prouver que c'était pas le cas. Et puis, le truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'il trouve toujours des gens avec qui discuter et avec qui se lancer dans des impros vraiment super drôles parce qu'il est enfin il est complètement il est complètement délirant. Il a un humour très en fait il fait souvent semblant d'être le plus grand, le plus fort, l'Américain qui vient. En fait, son rôle un peu dans l'émission, c'est le grand Américain qui vient débarquer dans un peu idiot, qui connaît pas grand-chose et qui arrive dans le pays. Et en fait, il se fait comment dire, il se fait un peu passer pour un idiot aux yeux de tout le monde, quoi. Et c'est ça qui le rend super drôle. Et justement, il est enfin voilà, c'est très comment dire. Il est au courant de ça, justement, il joue là-dessus et c'est super drôle, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on rigole pas mal dans ces émissions, mais aussi on en apprend pas mal sur les pays, puisqu'il va voir des choses que, ben, par exemple, à Cuba, il va aller voir une distillerie de rhum, il va aller faire de la danse, de la rumba ou de la salsa, il va aller voir une fabrique de cigares, etc. Donc, en fait, c'est très éclectique dans ce qu'il va voir. Et c'est vraiment super intéressant. Donc moi je vous le conseille énormément. Je trouve que l'ordre qui a été fait par Netflix fonctionne très bien pour découvrir l'émission. Commencer par Cuba, qui est pour moi une des plus drôles, et puis continuer avec la Corée, le Mexique, Israël, Haïti et puis l'Italie. L'Italie qui est pour moi un chef-d'œuvre, mais qu'il faut voir, je pense, après les autres, puisque ça explique un peu tout le délire qu'il y a derrière C'est le ces dernier de émissions. la saison. Voilà, c'est le dernier de la saison. Et j'espère franchement qu'ils vont sortir une saison 2 avec justement l'Allemagne, le Japon. Oh, si c'est Et. Netflix qui l'a mis en ligne. Enfin, c'est pas Ouais. produit par Netflix, mais. Non, c'est pas produit par Netflix justement, mais je pense que du coup, le Oui. fait que ce soit maintenant sous-titré dans plusieurs pays, ça va pouvoir amener beaucoup de monde justement. Et je pense que ça va avoir un certain succès parce que sur YouTube, c'est un énorme succès. Déjà, et donc voilà. Donc, si vous les avez vus et vous en voulez plus et que vous parlez un peu d'anglais, moi je vous conseille d'aller les voir sur YouTube directement. C'est en petit segment et ça fonctionne aussi très bien, mais c'est plus agréable, je trouve, pour découvrir d'aller sur Netflix. Et en plus, les émissions elles sont en entier, donc c'est voilà. Voilà, je vous fais le petit conseil. C'est vraiment sympa en plus si vous voulez découvrir des pays de façon originale. C'est assez intéressant à voir ça. Et en plus, on rigole très très. Enfin, on rigole beaucoup. Voilà. Et ben voilà, je vous ai fait ce conseil série télé. Et puis, ben, on va finir cette émission tout de suite. C'est parti. On est donc à la fin de cette émission finalement, voilà, on est à peu près dans les 1h15, donc c'est correct, 1h20 à peu près. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette émission, le numéro 48 du podcast Movies Nerd. Merci à toi Eddy d'avoir participé, c'est un plaisir Merci. de t'avoir à mes côtés. Et bah, du coup on va vous rappeler un peu toutes les informations pour nous retrouver sur Internet. Donc le site moviesnerd.net, c'est là où vous pouvez retrouver toutes les informations, que ce soit sur nos critiques, sur les podcasts audio et sur les émissions vidéo qu'on produit. Donc c'est moviesnerd.net. Sur les réseaux sociaux, moviesnerd sur Facebook et movies_nerd sur Twitter. Ensuite, vous pouvez noter le podcast sur iTunes et PodCloud. Ça nous aide à monter dans le classement des podcasts francophones qui parlent de cinéma. Et ça, là, c'est vraiment, si vous appréciez le podcast et si vous voulez nous aider, en fait, c'est vraiment la seule manière que vous pouvez montrer votre appréciation, c'est d'aller sur iTunes ou PodCloud et laisser un petit commentaire. Et laisser une note, voilà. J'ai à peu près tout dit là-dessus. Donc moi personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Sens Critique, Movies Nerd, Instagram aussi tant qu'à faire. C'est TheLexal, THELEXAL. Je vais laisser la parole à Eddy. Moi, j'ai pas Instagram. Ouais. Vous pouvez me retrouver sur sur Movies Nerd, sur le Facebook de Movies Nerd, sur YouTube, c'est Eastark, sur Sens Critique aussi, c'est Eastark. Puis après, sur Steam, si vous voulez, Eastark91, sur Discord, Eastark91 aussi. Voilà. Et même Origine. Voilà. Pour jouer aux Sims. Aux Sims ou... Ouais. Non, il n'y a pas que ah ça. Ah oui, à Battlefront, oui. C'est, ouais, enfin... c'est histoire de guider, ouais. Pas tout seul. Ouais. Non, mais c'est vrai que... bon, Battlefront, voilà. C'est un peu compliqué. Bref, voilà, donc on vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'au bout cette émission, et puis on vous dit à très prochainement pour le Movie Nerd numéro 49, et on s'attaquera au film du mois de mars. Salut. Salut.